Voici un signal très intéressant. Vous circuliez précédemment sur une route où des interdictions avaient été implantées. Limitation de vitesse ou interdiction de dépasser. Eh bien, le rôle de ce panneau est de mettre fin à ces interdictions. Attention cependant, il ne s'agit que des interdictions relatives aux véhicules qui roulent. Ce panneau ne concerne donc pas les interdictions relatives à l'arrêt ou au stationnement. Réponse A et D.